الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العظيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في دار الدنيا كما قال الضحاك رحمه الله فتقدم معنا ولله الحمد هنا déjà étudié مع بعض الإخوان ولله الحمد والمنة plusieurs sujets في هذا الباب أي مراحل دار الآخرة les étapes de l'au-delà on avait commencé avec la mort ثم la tombe ثم la résurrection ثم يوم القيامة واليوم بإذن الله جل وعلا نقف قليلا على هذه المسألة المهمة الحساب أي لكونت يوم القيامة فقال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ابن كثير رحمه الله il a expliqué ce verset en précisant أن هذا السؤال أي ces questions ça sera sur الأعمال والأقوال أي les œuvres de chacun que ce soit les œuvres avec les membres ou du cœur ou de la langue. Fi dar ad-dunya. Hadhihi ad-dar, ay cette demeure ad-dunya, c'est pour préparer l'akhirah. Fa ma minna, chacun de nous il sera interrogé fi qabrihi awwalan, thumma après l'interrogatoire dans la tombe, kadhalik les comptes et le jugement yawm al-qiyamah. Qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah fi at-tadhkira bi ahwal الموت وأمور الآخرة c'est une référence في هذا الباب c'est un kitab muhim جدا de l'imam Al-Qurtubi رحمه الله il cite les étapes de l'au-delà de la mort jusqu'à الجنة أو النار قال فإذا بعث العباد من قبورهم إلى الموقف وأقاموا فيه ما شاء الله حفاة عراة وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه. Et tout ça, ولله الحمد, تقدم معنا. Tout ce qui est lié au châtiment de la tombe et à la résurrection, تقدم معنا dans des كلمات avant cette كلمة. قال الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالمؤمن, il doit jamais oublier cette étape مهمة. أنه il sera interrogé. Demain ou après-demain, قريبا on doit faire attention à al-ghafla, ne pas oublier هذا اليوم et de ne pas faire passer هذه الدنيا cette demeure d'ar al-bala wal-imtihan avant cet objectif. Fa Allah subhanahu wa ta'ala il a juré بنفسه فوربك لنسألنهم أجمعين ils seront tous interrogés. عما كانوا يعملون interrogés sur quoi أخي الكريم sur nos œuvres. Qu'est-ce qu'on a fait fi hadhihi ad-dunya? Fa on doit jamais oublier an ar-ruju'a ila Allah subhanahu wa ta'ala li qarib. C'est très très proche. Man mata qamat qiyamatuh. Celui qui meurt, ça commencera les étapes de l'au-delà. La tombe, l'interrogatoire des anges wa an-na'im ou al-'adhab 'iyadan billah wa hakadha jusqu'à ce que cet homme ou cette femme ils seront ressuscités et on passera tous par là. Al-hadr, on doit tous faire attention à al-ghafla, oublier ce jour. Kullama al-insan il oublie ce jour, plus il oublie ce jour, plus il fera moins d'efforts pour se préparer. Qala 'azza wa jalla inna ilayna iyabahum thumma inna 'alayna hisabahum. Iyabahum ay ruju'ahum. Ay on reviendra tous عند الله سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم et Allah سبحانه وتعالى il est capable et ressuscitera tout le monde, Azza wa Jal. Thumma inna alayna hisabahum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis, et dans le verset précédent, il a juré, subhanahu, anna tout le monde sera interrogé. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Après cette longue attente qu'on a détaillée dans la kalima précédente sur le jour du jugement, tout le monde sera ressuscité, tout le monde sera debout, tout le monde attendra. Hatta les êtres humains ils demanderont au prophète de faire shafa'a et que les comptes y commencent tellement que l'attente elle sera longue. Le soleil il sera proche. Enfin le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fera shafa'a. Il intercédera pour que les comptes y commencent. فبعد ذلك Allah subhanahu wa ta'ala il viendra avec le malaïka. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا قَالَ الْإِمَامَ الْقُرْطُبِ رَحِيمَهُ اللَّهِ أو الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود يُسَاقُونَ إِلَى أَرْضِ الْمَحْشَرِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا بُهْمًا مَعَ كُلِّ نَفْسٍ سَائِقٍ يَسُوقُهَا وَشَهِيدٍ يَشْهَدْ عَلَيْهَا. Tout le monde se dirigera vers l'ard, ard al-mahshar, après avoir été ressuscité pour les comptes. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa hum bayna masrurin wa mabthur wa dhahikin wa baki. Fi hadha al-hal, les gens seront ala ahwal. Ba'dhum seront fi halin hasan, comme sayati ma'ana, ceux qui prendront leur livre de la main droite, ils seront heureux, le visage rayonnant, yastabshirun. لماذا لأنهم ont reçu la bonne nouvelle أنهم rentreront في الجنة. Et une autre catégorie عياذا بالله, ça sera l'inverse, ils seront tristes, ils seront désespérés, ils prendront leur livre de la main gauche et عياذا بالله tout ce qui viendra après pour eux ça sera encore plus grave. قال ابن القيم رحمه الله وضاحك وباك وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. Deux catégories. أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. المؤمنون والمجرمون. هذه الدنيا. Cette vie qu'on est en train de vivre en tous. En حقيقة, c'est pour préparer ce moment. Est-ce qu'on va faire partie de هؤلاء السعداء المفلحون الفائزون, ceux qui auront réussi, ou عياذا بالله l'autre catégorie qui auront tout perdu يوم القيامة. الأمر il est خطير يا إخوان. Quand on étudie, quand on lit ensemble les versets ou les hadiths sur le jour du jugement, c'est pas des simples histoires, c'est quelque chose qu'on doit préparer. C'est pour ça qu'on doit lire بعلم وبتدبر. Et le but, c'est malada, c'est d'appliquer. C'est une ni'ma. L'haqiqa, c'est le fruit de cette étude sur les étapes de l'au-delà. Annana, on a une force pour appliquer. Comment faire pour être min ha'oula as-su'ada? Comment faire pour faire partie de ceux qui seront heureux, souriants, le visage rayonnant? Comment faire pour éviter de faire partie de l'autre catégorie, des perdants? Ceux qui regretteront, ceux qui se feront châtier. Anta, cette étude, elle te permet de te remettre en cause, awwalan, et thaniyan, de faire des efforts, hatta talqa Allah. Et kadhalik, tu vas tirer un autre fruit, azim, anna hadhihi dunya, c'est une terre de passage. C'est pas quelque chose qui va rester. Falimadha, concentrer tous nos efforts sur le dunya, et oublier l'au-delà. C'est ça le but. قال ابن القيم رحمه الله حتى إذا تكاملت عدتهم وصاروا جميعا على وجه الأرض تشققت السماء وانتثرت الكواكب ونزلت ملائكة السماء فأحاطت بهم. Quand tout le monde sera rassemblé nu, debout, en train d'attendre, ابن القيم رحمه الله décrit le موقف أن الملائكه les anges ils descendront من السماء. قال ثم نزلت ملائكه السماء الثانيه اي les premières descentes ça sera les anges du premier ciel اي السماء الدنيا ثم après eux Sama'u al-thaniya, le deuxième ciel, les anges descendront. Qal fa'ahatat bimala'ikati sama'i dunya, thumma kullu sama'in kadhalik. Et ils entoureront al-ibad, les êtres humains. Qal fa'baynamahum kadhalik, ija'a rabbul alamin subhanah, li faslil qadha. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra. Waja'a rabbuk. Il viendra comment il veut, subhanahu wa ta'ala. فَنَحْنُ نُؤْمِنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. Et on a la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra يوم القيامة pour juger ses serviteurs. قَالَ إِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَشْرَقَتِ الْأَرْضِ بِنُورِهِ وَتَمَيَّزَ الْمُجْرِمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَنُصِبَ الْمِيزَانِ. Les camps, à partir de ce moment, ils commenceront. قال الإمام القرطبي رحمه الله أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون يذكر أعمال الناس أو بذكر أعمال الناس فأتوها. À ce moment, chacun y recevra son kitab. كتاب الأعمال. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعملون ما تفعلون. Tout ce qu'on fait l'un, c'est noté, écrit, enregistré dans ce kitab. Yawm al-qiyamah, ce kitab, il te sera présenté avec tous tes amal. Rien ne manquera, rien ne sera déformé, rien ne sera diminué. Tous les amal de su'ub, ils seront inscrits. Qala azza wa jal, am yahsabuna, anna la nasma'a sirrahum wa najwahum bala, wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ça, c'est une faïda azima pour nous. قال عز وجل أم يحسبون. Est-ce qu'ils pensent, أي العباد, أن لا نسمع سرهم, أي qu'on n'entend pas ce qu'ils cachent. السر, c'est quelque chose qui n'est pas apparent. Allah subhanahu wa ta'ala يعلم ذلك. قال ونجواهم. السر, c'est, on revient au sir, Allah subhanahu wa ta'ala يعلم يسمع, même si c'est à voix basse. Même si c'est une parole que Rubama, ton voisin, il n'écoute pas, Allah subhanahu wa ta'ala yasma. Qala wa najwahum. Famim bab awla, ay, quand c'est à voix haute. Qala azza wa jal, bala, wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait hada, il sait tout azza wa jal. Et il entend, ma'a dhalik subhanahu amra al malaika bil kitab. Pourquoi? Hatta taqoum al hujja ala al ibad. Hatta personne n'a d'excuse, yawm al-qiyama, c'est inscrit. Tel jour, à telle heure, tu as dit telle chose, tu as fait telle chose. Wa qala an-nas fi hadha al-hal. Ay kant wa ta'ammalu, essayez de tatasawwaruna al-mawqif. Anna fi hadha al-hal, quand al-kutub, les livres, ils seront présentés, Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim akhbara an hal an-nas. فقال عز وجل عن الناس في هذا الحال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. Hey, les gens ils seront surpris. هذا الكتاب tout est inscrit أمامهم. قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Tout est enregistré. الكبير والصغير الظاهر والباطن. Tout est enregistré عند الله سبحانه وتعالى. لهذا les gens ils diront يا ويلتنا أي malheureux. لماذا؟ لأن tout est enregistré. Ça va impliquer qu'il y aura des comptes. Tu as dit telle chose, tu as fait telle chose, tu as délaissé telle chose, tu devais faire telle chose que tu n'as pas faite. Il a أخره. هذا ça sera présenté à ce عبد في هذا الحال. Et لا شك أن كثيرا من الناس يغغرتهم. Il y en a les comptes, c'est pas simple. Sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala y facilite. Qala azza wa jal, ya laytana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Tout ce qu'ils ont fait, sayajiduna hadiran, ay, présent amamahum, dans ce kitab. Thumma qal, al-imam al-Qurtubi rahimahullah, فتوهم نفسك يا أخي. الإمام القرطبي dans ce livre التذكرة, il essaye de te donner un aperçu de هذا الموقف. Et il t'incite, il t'encourage à méditer sur هذا الموقف. Et ça c'est مهم يا إخوان. لأنكلما tu médites l'un, tu réfléchis, tu te remets en question, walillahi alhamd, tant que tu n'es pas mort, tu peux t'améliorer. Maintenant, tu prends cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait tes obligations? Est-ce que tu as délaissé les interdits? Est-ce que tu as fait des efforts dans telle chose? Si il t'a manqué des choses, et là, je sais qu'il nous manque des choses, on est faible et on a tous des faiblesses, on doit se remettre en question l'un. Amma yawm al-qiyama, ça sera trop tard. Ya waylatana ma li hadha al-kitab. Même si tu veux changer, tu peux pas, c'est fini. C'est le jour des comptes. Même si tu veux demander pardon, c'est fini, c'est le jour des comptes. Le jour des comptes, c'est hisabun wala amal. Et nous, on est dans cette demeure-là, la vie d'ici-bas. Amaloun qabla al-hisab. C'est une force azima. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans ce kitab, il insiste pour démontrer aux musulmans, هذه المواقف العظيمة. قال فتوهم نفسك. يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نعم وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه الله سبحانه وتعالى يتبعلغ أشاكا دانتخنو فتأمل هذا الموقف quand tu seras appelé quand ça sera ton tour باسمك Ya Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel, taqaddam, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as délaissé telle chose? Fi dunya, cette vie, la haine qu'on vit tous, là où ahadun minna, il aurait des comptes à rendre, que ce soit la justice, que ce soit son entreprise, que ce soit muhim, un responsable, un de ses responsables, il lui demande des comptes. Rubbama, tu trouves chez mine shidda, ça peut être difficile. Tu dois justifier telle chose, tu dois apporter des preuves sur telle chose. Si c'est la justice pour t'innocenter, enfin, tu dois faire beaucoup de choses. Bardenas il paye, Bardenas il monte pour se sortir d'une affaire ou pour prouver annahum c'est un de leurs haq. Ça c'est fait de dunya. Et tu trouves Bardenas, sur le moment ils préparent leur défense pendant un mois, deux mois, six mois, un an. Tout ça, c'est pour quelque chose de dunya. Peut-être que ça sera une peine de prison. Cette personne, elle sortira un jour, elle sortira un jour. Ou ça sera une amende. Moi, j'ai une dunya, ça passe. Fama baluk hadal yawm. Hadal yawm, on a le mensonge, ça passe pas. La corruption, rishwa, ça passera pas. Limad ali anal insan, il aura toutes ses œuvres devant lui. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de famille qui aide. Wala shay, kull wahid, amam rabbihi. Et c'est Amal. Qu'est-ce qu'il a fait? فقال رحمه الله ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان فبعد ذلك الحساب سكمصر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف الذنب كذا شكل دنو من المؤمنين ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله شك مؤمن الله سبحانه وتعالى إلا rapprochera il rapprochera ce مؤمن ثم يستره et ça c'est من رحمة الله سبحانه وتعالى أي entre الله et ce عبد les autres ils voient pas ils entendent pas هذا الكلام فيقول الله عز وجل أتعرف ذنب كذا الله يدير على المؤمن est-ce que tu reconnais avoir fait ce péché ce ذنب ثم الله سبحانه وتعالى يغبطها une deuxième fois أتعرف ذنب كذا فيقول هذا العبد نعم يا رب لماذا لأن c'est pas un moment pour mentir الله il sait tout est écrit dans ce kitab les anges ils ont tout noté بل les membres de l'insan ils témoigneront contre lui sa main, sa jambe, il a arrêté. Aïna al-mafar, aïna yidhab. Hadha al-abd, il sera obligé de reconnaître. Na'am ya Rab. Hatta idha qarrarahu bi dhunubih. Tous ses péchés, hakada. Est-ce que tu as fait telle chose? Est-ce que tu as fait telle chose? Est-ce que tu as dit telle chose? Et il reconnaîtra. Na'am ya Rab. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Hatta, à un moment donné, ce mu'min, il va penser annahu, khalas, il s'en sortira pas. Et elle a tous ses péchés, des péchés qu'il a oubliés, des péchés qu'il pensait que ce n'était pas grave. Al-Alimu, Al-Khabir, Azza wa Jal, et il lui citera, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. À ce moment, هذا العبد pensera أنه ça sera fini pour lui. فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أي في الدنيا je t'ai caché ces péchés et اليوم je te pardonne. ماذا نستفيد نحن من هذا؟ نستفيد أولا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لغفور لرحيم. Ce din c'est pour notre bien. إياكم وإيانا جميعا نحذر de ce que les ennemis de l'islam, Allah, ils essayent de propager, c'est un din de barbarie, tout est interdit, ils n'ont pas le choix, ils ne sont pas libres, tout ce qu'il dit. Faites attention à هذا. Comme il y a des gens qui et à cause de هذا, الظن السيء وربما يبتعدون عن الإسلام. Et تأملوا هذا الفضل. هذا العبد, il a eu des manquements, on a tous des faiblesses. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Deuxième faïda, bishart, qala azza wa jal, satartuha alayk fi dunya. Ça nous montre la gravité de dévoiler ses péchés aux autres. Ostur nafsak ya. Si tu as des faiblesses, si tu as eu des faiblesses, fala haja de tout raconter. Alors, al-nas, iyadun billah, comme a dit le hadith, annahum, ils font des péchés la nuit et ils les racontent la journée. Min bab, iyadun billah, ils veulent se vanter, se montrer annahu j'ai fait ila akhiri wa yafdah nafsa. Hadha yawm al-qiyamah, est-ce que il fera partie de ceux qui ont été mastour fi dunya et Allah il leur pardonne yawm al-qiyamah hatta personne n'est au courant. Allah subhanahu wa ta'ala dira tu as fait telle chose yawm al-qiyamah je t'ai caché ses péchés, personne n'était au courant sauf Allah azza wa jalla, fal yawm je te les pardonne, fadlun min Allah. Ça nous montre كذلك ان on doit pas désespérer. Celui qui a fait des péchés, celui qui a eu des manquements, désespère pas. Fais des efforts, tant que tu es vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, karimun rahim. Qala, satartuha alayk fi dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm, fayu'ta kitab hasanatih. Après que son jugement il est fini, ayannahu il a fait tel dhanb, à la fin Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et il lui donne son kitab al-hasanat. هذا المؤمن قال صلى الله عليه وسلم أما الكافر والمنافقون أي la deuxième catégorie les ennemis de l'islam les kuffars et les hypocrites فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين على الظالمين هذا سحال الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم. أما الكافر ça sera pas comme le mu'min, il a fait des péchés, il a fait des bonnes actions et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Là, le kafir il a pas de hasanat. لماذا؟ لأن même le bien qu'il a fait c'est annulé à cause de son kufr, à cause de sa mécréance et son shirk. فالله سبحانه وتعالى il accepte rien من الكفار. لكن من باب العدل الله سبحانه وتعالى il est juste. Ce kafir il sera informé de son injustice, de ses péchés, de sa mécréance. ثم عيادا بالله يطرح في النار. قال شيخ الإسلام فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى نعم فيوفقون عليها ويقررون بها ويجزون بها. Eux-mêmes, ils reconnaissent, ils ont fait telle chose, il a akhiri, et vu qu'ils n'ont pas de hasanat, ils n'ont que des péchés et bien sûr la mécréance, ils seront conduits en enfer, comme on verra, inshallah prochainement. Cette catégorie, ça s'appelle al-ard. C'est une façon, une catégorie de hisab. Al-hisab, il y a plusieurs catégories. Hadi, c'est la plus simple. Comme a dit dans le hadith Aisha radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. عائشة رضي الله عنها quand elle a entendu ce hadith, et celui qui se fera interroger, questionner, juger, il sera forcément châtié. عائشة رضي الله عنها quand elle a entendu هذا الحديث قالت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أي à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment faire pour rassembler sa parole, ce hadith qu'il a cité alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avec ce verset, فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Et ils seront jugés avec un hisab yassir, très simple. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle, celui qui se fera questionner sera forcément châtié. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. الحديث اللي في الصحيحين أي إنما ذلك العرض c'est ce qu'on a lu dans le hadith de Abdullah ibn Umar. العرض أي الله سبحانه وتعالى dira à ce عباد tu as fait tel péché. Ce عبد, ce serviteur, il reconnaîtra, il dira نعم يا رب. Et Allah سبحانه وتعالى il lui a caché ses péchés في الدنيا, il lui pardonnera يوم القيامة. Ça c'est العرض. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من نوقش الحساب يهلك أو عذب. ما معنى من نوقش الحساب؟ قال الشيخ ابن عثيمين لأن المناقشة, من نوقش الحساب ça vient de المناقشة. Vous connaissez le mot نقاش. النقاش مثلا si tu fais نقاش avec quelqu'un, tu vas parler, tu vas l'entendre, أخد ورد, peut-être qu'il va accepter, إلى آخره, c'est dans les détails. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب قال شيخ ابن عثيمين لأن المناقشة الأخذ والرد في الشيء والبحث عن دقيقه وجليله. أما من نوقش الحساب أي un interrogatoire dans les détails, pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu as délaissé, et dans les détails, فهذا ربما يسفي الشاتي. لماذا؟ لأن celui qui sera sauvé c'est برحمة الله سبحانه وتعالى. أما نوزور فلا شك on a des manquements. Alors, chaque année, il y a des choses qu'on mérite d'être châtié à cause de tel péché ou telle obligation qu'on a délaissée. Enfin, celui qui sera sauvé, c'est bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Troisième cas. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, uridat alayya al-umam. Fa'idha sawadun azim, nakhtasir al-hadith. Fa'idha sawadun azim, faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن يوم القيامة sa communauté sera très très nombreuse. Ça sera la plus nombreuse. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن dans sa communauté 70,000 musulmans, 70,000 personnes, des croyants de cette communauté, ils rentreront في الجنة بغير حساب ولا عذاب. Même le premier cas qu'on a cité Al-Ard, ils n'auront pas à passer par cette étape. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne et ils rentrent fil jannah sans compte, sans questionnement et sans se faire châtier. Les sahaba radiyallahu anhum, ils se sont posé la question, c'est qui ces 70,000? Et nahnu kadhalik, ça nous montre que quand on lit, on écoute un dars, une muhadara, on écoute le Coran al-Karim qabla dhalik, et on entend des versets sur yawm al-qiyama, c'est pas que des histoires pour passer le temps. Oh, ça nous touche sur le moment, thumma, on ne fait pas d'effort là. Les sahaba radiyallahu anhum, quand ils ont entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam citer les 70,000 qui rentreront fil jannah sans rendre de compte, sans se faire châtier, ils lui ont demandé. Bel, fil hadith, qabla dhalik, ba'dhum, ils ont dit que c'était ceux qui étaient nés en étant musulmans, ils n'ont jamais fait de shirk, il a akhiré al hadith. Thumma, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti et il leur a posé la question. Ou il leur a demandé ماذا تفعلون, ils lui ont dit أنهم يتكلمون في هذا الحديث, فالنبي صلى الله عليه وسلم les a informés. قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي خلص الموحدين, أي ceux qui ont حقق التوحيد كما تقدم معنا مع بعض الإخوان في كتاب التوحيد. هؤلاء ils ont un توحيد قوي, يتوكلون على الله, لا يتطيرون ولا يكتوون dans une riwaya, ولا يدمن كذلك الرقية. لماذا يدلس ces choses؟ لأنهم يتوكلون على الله, ils placent leur confiance en Allah. Ce groupe c'est ceux qui ont حقق التوحيد, et ils se sont écartés du shirk, des khurafat. كم من الناس الآن, on peut donner un exemple sur الطيرة, كم من الناس الآن ربما مسلم اي في الصلاة إلى آخره فيقع في الطيرة عيدا بالله. La tayara, c'est la superstition. Mathalan, il sort, il voit un chat noir, il croit qu'il va se passer telle chose. Ou tel jour, il faut pas laver ses vêtements. Ou tel jour, il faut pas que les enfants ils sortent. Toutes ces khurafat. ou si tu vas faire telle chose, il va t'arriver telle chose. Alors qu'il n'y a aucune preuve, la min kitabillah, wa la min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle at-tira. Enfin, celui qui s'écarte de hada, wa yuhakik at-tawhid, wa yatawakkal ala Allah. Il n'a pas peur de un tel min al-ibad. Il n'a pas peur du risque, annahu s'il adore Allah, khalas, il va mourir de faim. Là, yatawakkal ala Allah. Et bien sûr, pour arriver à ce niveau, il faut shay min al-ilm. Il y en a pour appliquer le tawhid, il faut le connaître. Pour s'écarter du shirk, il faut le connaître. Ha'oula, ils rentreront fil jannah bila hisab wa la adab. Ça nous montre anna les efforts, si on veut faire des efforts, pour préparer ce jour, akhil karim, commence par ce point. Wa la taghtar bi ahli al-bid'i wa al-dhalal, qui appelle à certaines choses et délaisse ce point. Commence par tahqiq al-tawhid. Et s'écarter du shirk bi'ilm, et tu verras bi'idnillahi azza wa jal, tu auras des fondations solides et tu auras une clé bi'idnillahi azza wa jal pour yawm al-qiyam. Fa haoula, ces 70 000 ils rentreront fil jannah, tellement qu'ils ont atteint un haut niveau vid tawhid, ils rentreront bila hisab wa al-azab. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana minhum. Al-hadith il est fi sahihi. قال الإمام القرطبي رحمه الله فصار الناس إلى ثلاث فرق. Le résumé de tout ce qu'on vient de voir, أن les gens ils sont de trois catégories par rapport à l'hisab. فرقة لا يحاسبون أصلا. Un groupe, ils ne seront pas interrogés أصلا. C'est 70 000. Ils rentreront fil jannah directement. Ils ont fait beaucoup d'efforts, fait de dunya, ils ont fait des sacrifices. Leur récompense, أنهم, ils ne sont pas interrogés, ils ne sont pas châtiés directement fil jannah. قال وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين. Et les deux premiers groupes. Deuxième groupe, anhum, ils se feront interroger, questionner, lakin حساب يسير. Ça sera facilité et simple. Et العرض. Tu as fait telle chose, il reconnaît, Allah il lui pardonne. قال وفرقة تحاسب حسابا شديدا. من نوقش الحساب عذب. Ça, c'est le hadith qu'on a cité, hadith Aisha radiyallahu anha. Wa mimma yuhasab alayhi al-insan. Et parmi les choses qu'on sera interrogé yawm al-qiyamah, as-salat. An Abi Huraira radiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wa sallam, in awwal ma yuhasab bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. La première chose sur laquelle al-abd il sera interrogé yawm al-qiyamah, as-salah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fahada, ce point, kadhalik, c'est une chose qu'on doit travailler tant qu'on est vivant. At-tawhid taqaddam ma'ana et as-salah. C'est le deuxième pilier de l'islam. On doit faire des efforts fi tahqiq hadhihi as-salah. تحقيق شروطها وتحقيق أركانها وواجباتها. Faire à l'heure, كذلك donner du temps pour apprendre à faire cette salat. Cette salat بإذن الله عز وجل, ça peut être la cause de que tu sois sauvé au qiyamah. Fait donner du temps, أخي الكريم. Comment faire cette salat? La salat elle a des conditions. كذلك avant de faire salat, il faut faire les ablutions, الطهارة, الوضوء, apprendre à faire l'wudu, donner du temps à هذا. حتى on est à la ilm wa basira. Et كذلك, il y a des choses qui font du mal à cette salat, qui font du mal à l'wudu, ça annule l'wudu ou ça diminue la récompense. Fal haqiqa, celui qui pense à ce jour et qui sait ilm al yaqin, avec ce hadith, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, la première chose sur laquelle on sera interrogé, ça sera salat. Fa il donnera beaucoup d'importance à cette salat. Comme min al nas l'an, peut-être qu'il ne fait pas salat à cause du travail. Peut-être qu'il ne fait pas salat à l'heure à cause du travail. Le soir, il rassemble toutes les salawats. S'il meurt, qu'est-ce qu'il va faire? أول ما يسأل عنه الصلاة. Et à salat, elle a une condition, c'est l'heure. Elle m'a fait sortir la salat de l'heure sans une cause valable. L'insan s'est endormi, ou l'insan est dans le coma, ou l'insan a oublié. C'est des excuses. Elle m'a sans excuses. Parce que la salat, elle n'est pas maqboula, elle n'est pas acceptée عند Allah. Cette salat, elle a des conditions. C'est comme celui qui veut faire la salat et il n'a pas les ablutions. Est-ce que sa salat, elle est acceptée? Abatan. La yaqbal Allah salatan bi ghayri tahour. La لابد من هذه الشروط. فكم من الناس يدلس هذه الصلاة؟ Est-ce que ce travail tu vas l'emmener avec toi, Akhil Karim? Est-ce que dans ta tombe cet argent tu vas l'emmener avec toi? Est-ce que yawm al-qiyamah quand tu vas être interrogé sur cette salat, est-ce que ton travail va être utile? Ou ton patron il va venir t'aider? Ou ton argent elle pourra te sauver? Abadan. Enfin, on doit faire attention. Les priorités c'est hada, c'est apprendre son din, apprendre salat. Et il a akhiri hakaza jami' al-ibadat. Kullun ala qadra al-istita'a. Chacun par rapport à sa capacité. قال صلى الله عليه وسلم فإذا انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكتمل بها من انتقص من الفريضة. الحديث اللي في سنن الترمذي وصححه والإمام الألباني عليهم رحمة الله. ثم سينا موت في صلاته سأسأل موت رحمة الله عز وجل. أن الإنسان يبقى بغضي موت ولا شك ونطس دي موت. مع هذا dans ce hadith, et ça nous montre l'importance du ilm pour se préparer pour ce jour. Il y en a dans ce hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, si tu as un manque dans ta salat, يوم القيامة, فالله سبحانه وتعالى يقول, انظروا, et regardez, est-ce que mon serviteur, il a des nawafil, et il a fait des prières recommandées, qui n'étaient pas obligatoires. Ces prières recommandées, elles vont compléter le manquement de la salat obligatoire. Ça c'est min adillat fadl an-nawafil. Celui qui a fait beaucoup d'efforts fi dunya, yuhafid ala salat ad-duha, ala salat al-witr, ala qiyam al-layl, ala ar-rawatib, yawm al-qiyamah yatrouha hada al-khayr. S'il a eu un manque dans ses salats obligatoires, ça comblera le manquement. S'il a pas eu de manque dans ses salawat obligatoires, alhamdulillah, ça sera des récompenses de plus, en plus pour ce abd. وكذلك مما يحاسب به الإنسان أو عنه الإنسان يوم القيامة الدماء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث اللي في الصحيحين. La première chose, la première مسألة sur laquelle il sera interrogé, الدماء. الدماء ça vient de الدم, le sang. Et ça montre أن الإنسان sera interrogé كذلك sur حق الغير. عيادا بالله, celui qui a fait un meurtre, ça sera parmi les premières choses sur lesquelles il sera interrogé. العلماء ils ont rassemblé entre les deux hadiths. Et la première chose sur laquelle on sera interrogé, la salat. Et dans ce hadith, hadith ibn Mas'ud رضي الله عنه, الدماء, et le sang, les meurtres, إلى آخره. قالوا أن أول ما يحاسب عليها, أي ما يتعلق بينه وبين الله, c'est الصلاة, et les adorations. Amma, la première chose sur quoi ils sont interrogés par rapport aux droits des autres, c'est le meurtre, ad-dima. Fanastavid, donc, min hada al-hadith, hadith ibn Mas'ud, anna yawm al-qiyama, ça sera un jour de justice. Celui qui a été injuste envers un autre, il y aura al-qisas. Wa hada, c'est une faïda azima pour nous. Anna, si tu as subi une injustice, akhi, la tahzan. Il y aura un jour des comptes. Ou celui qui a commis cette injustice envers toi, il rendra des comptes et il te rendra ton haqq. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala atadruna man al muflis fa qalu wal muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Al muflis, c'est celui qui est ruiné, qui n'a plus rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons, atadroun, est-ce que vous savez ce qu'il mouflis, celui qui est ruiné? Ils lui ont dit, al mouflis fina, et pour nous, al mouflis, est-ce qu'il connaissait de ce mot al mouflis? C'est celui qui n'a plus d'argent, qui n'a plus de matière, qui n'a plus de biens. Et il est ruiné. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, inna al mouflis min ummati, yati yawm al qiyama bi salatin wa siyamin wa zaka. Al mouflis, yawm al qiyama, il viendra et il aura des salawat, zakat, siyam. Hey, un musulman qui a fait beaucoup d'adorations. Peut-être qu'il a fait le hajj, peut-être qu'il donnait des sadaqat. Mouhim, il aura beaucoup de hasanat. قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. لكن il faisait des efforts dans l'ibada, لكن il faisait du mal aux autres. Il critiquait injustement un tel. Il frappait un tel, il se moquait d'un tel, il insultait un tel, il volait un tel. فقال صلى الله عليه وسلم فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. Tous ceux qui ont subi l'injustice de ce mufliss, ils prendront de ses hasanat. Et ça nous montre un yawm al-qiyama, les comptes, les règlements entre l'ibad, ça ne sera plus avec de l'argent. مثلاً, tu dois à une personne 100 euros, hein, si tu ne lui rends pas, yadam billah, fa yawm al-qiyama, l'échange ne sera plus avec l'argent. Liana, c'est une autre demeure, l'akhira, ça sera bil hasanat. Comme les gens, ils vont perdre de leur hasanat à cause des injustices. Si un de nous il a commis une injustice envers un autre, et on n'est pas à l'abri, avant de mourir, fais tout pour réparer cette injustice. Si c'est de l'argent, rends-lui. Si c'est une accusation à tort, demande-lui pardon. Si tu parlais sur lui, va tub ila Allah, repens-toi. Hatta yawm al-qiyama, l'insan, il n'a pas de compte à rendre envers Ibad Allah. Donc, tous ceux qui ont subi une injustice, ils prendront de ses hasanat. Hada, il prendra de son salat, hada, il prendra de son siyam. Qala fa in faniyat hasanatuhu, iyadan billah. Ça montre que les ba'd, yawm al-qiyama, ils auront fait beaucoup d'injustice envers les autres. Hatta sa salat, son siyam, son hajj ila akhiri, toutes les hasanat seront parties, distribuées envers ceux qu'il a, envers qui il a été injuste, iyadan billah. Anzuru al-khusra. Combien d'argent, combien de patience, combien d'efforts pour faire le hajj, pour faire Ramadan, pour faire le salat. Thumma yawm al-qiyama, il distribue ses hasanat. Si il arrive à un moment où il n'a plus de hasanat, قال صلى الله عليه وسلم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم أطرح في النار. S'il n'a plus de hasanat, لكن il y a encore des personnes qui ont subi certaines de ces injustices fait dunya, et ils viendront pour prendre de ces hasanat, ils trouveront qu'il n'a plus rien. Enfin, ils prendront de leurs péchés, de leurs sayyat, et ils les mettront sur lui. Hatta yadam billah, il se trouve sans hasanat, avec ses péchés plus les péchés des autres, wa yutrah yadam billah, et il sera jeté finnar. Al hadith il est fait sahih muslim. Enfin, al hadar de l'injustice, même envers un ennemi, un adou min a'da illa, un kafir billah azza wa jal, faites attention à l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala amra bil adl. والله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم. الله il a interdit à lui-même, il s'est interdit à lui-même. Et c'est رب العالمين, l'injustice. C'est une sifa qabiha. فالعدل c'est مطلوب avec tout le monde, avec le qarib, avec le baghi, le ba'id, avec le wali, avec le adou. L'injustice est le haq. ومما يسأل عنه كذلك العبد النعم. Et هذا كذلك, on est tous concernés. قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Et vous serez interrogés يوم القيامة sur النعيم, النعم. قال الشيخ سعدي رحمه الله الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكره. نعمة الصحة والعافية, la bonne santé. نعمة الهداية, la guidée. نعمة القرآن, نعمة المال, نعمة toutes ces nourritures, toutes ces boissons, ta bonne santé, ton travail, ton argent, tes enfants, إلى آخره. Toutes ces نعم, c'est من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان sera interrogé. قال الشيخ سعدي هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه. Est-ce que on a été reconnaissant envers ces نعم, et on a utilisé ces ni'am pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Maintenant, l'argent, est-ce que tu as sorti az-zaka? Est-ce que tu as fait ton hajj obligatoire? Wa hakada, la bonne santé, est-ce que tu fais salat? Est-ce que tu fais siyam? Wa hakada, toutes les ni'am. Qala wa lam tasta'inu bihi ala ma'asiyah. Kadhalik, parmi les questions sur cette ni'ma, est-ce que tu n'as pas utilisé cette ni'ma pour faire des ma'asi, des péchés? Maintenant, l'argent, بعض الناس الله سبحانه وتعالى فتح عليهم il aura ouvert les portes du risque اموال طائلة et tu trouves وعظهم لا حج ولا زكاة ولا انفاق على المساكين et عيادا بالله cet argent il va dans le haram et il l'utilise في الحرام alors que c'est من نعم الله عليه ce عبد il est ضعيف il est faible il a rien à la base c'est Allah qui lui a donné قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وعن أبي برزة Al-Aslami radiyallahu anhu, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. Chacun d'entre nous, كذلك يوم القيامة, il sera interrogé sur quatre choses. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. Quatre choses. عمره فيما أفنى. أي sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Et la haqiqa, c'est une explication du verset. Cette vie, ce temps libre, c'est min ni'amillahi azza wa jal alayk. Est-ce que ce temps que Allah t'a donné, est-ce que tu l'as occupé avec des adorations en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala? Qala wa an ilmihi fima fa'ala fima fa'al. Ay, hadha al-ilm que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, ça peut être hifd al-Qur'an ou hifd shay min al-Qur'an, ça peut être la connaissance de certains hadiths, ça peut être tu as étudié l'ilm, tu as pris des durus, muhim, tu as su des choses que d'autres n'ont pas su. Enfin, qu'est-ce que tu as fait avec hada l'ilm? Hada c'est nafi' pour nous l'an. On a tous ces efforts qu'on essaye de faire, ma'a dha'fina, avec toutes nos faiblesses et ces efforts qu'on essaye de faire, c'est pour appliquer, ya ikhwan. C'est pas que pour rassembler et pour se montrer, je sais, pour naqash les autres. Iyadam billah, là. هذا العلم سين حجة pour ou contre toi يوم القيامة القرآن حجة لك أو عليك et on sera interrogé. فمن عمل بهذا العلم, celui qui met en application, الحمد لله, ça sera pour lui. Celui qui met pas en application, ça sera contre lui. Ça nous montre أن العلم c'est une نعمة si on met en application. قال صلى الله عليه وسلم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك المال c'est une ni'ma azima. Ay min ayn iktasabah, ay par quel moyen, quel sabab il a fait pour avoir ce mal, est-ce que c'est dans le halal ou dans le haram. كذلك, dans quoi il a dépensé هذا المال. Ça nous montre هذا أن هذا المال c'est mal Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à un tel et un tel min al-mal. Et on ne fait pas ce qu'on veut avec هذا المال. Là il y a des obligations à zakat, un certain pourcentage à sortir si l'insan il a beaucoup d'argent ou il a atteint le seuil pour sortir le zakat. Kadhalik il doit faire le hajj, kadhalik il doit faire le hijra s'il a le qudra, et kadhalik il doit aider ses proches. On aura des comptes à rendre sur tout cela. قال وعن جسمه فيما أبلاه, حتى ton corps, ce corps que chacun de nous il possède, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ce corps tu auras des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait avec ce corps? Est-ce que tu l'as utilisé fi ta'atillah? Tu t'es déplacé fi ta'atillah? Tu as regardé ce que Allah il a autorisé? Tu t'es écarté du haram? Ou l'inverse? À toutes ces questions, on doit préparer des réponses. L'an, ya jama'a. Léanna, cette étude, elle est nafi'a jiddan. Tant que l'insan, il est vivant. Amma, après sa mort, même s'il connaît ces choses, s'il n'a pas fait, famada, c'est yastavid. Mais après la mort, ça sera regret, tristesse. C'est pour ça que le kafir, il espérera revenir. Comme on a déjà expliqué dans les kalimats précédentes. Il espérera revenir, l'imada, pour mettre en application. Fa nahnu, alhamdulillah, on est fi ni'ma, on est fi aviyah. Et c'est une force tayyiba. Et on a la possibilité d'appliquer. Fal nashtahid jami'an. Thumma, après les comptes, akhd al-kitab. قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Après les comptes, l'insan il prendra son kitab. المؤمنون ils prendront de la main droite. والكفار والمنافقون derrière leur dos. Et dans l'autre verset, قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. Dans l'autre verset, بشماله, de la main gauche. قال الإمام القرطبي رحمه الله فتوهم نفسك إن كنت من السعداء. الإمام القرطبي رحمه الله, dans son livre, il rappelle à chaque croyant هذا الموقف. فرفلشي أخي الكريم, est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont prendre هذا الكتاب باليمين أم بالشمال؟ قال فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه قد حل بك الكمال والحسن والجمال. تأمل هذا الموقف. أن أمام الجميع, devant tout le monde, يوم القيامة, tu prends ton kitab باليمين. Et tu es heureux Et tu as un visage rayonnant. لماذا؟ Tu as réussi. في الدنيا حين تتعب تتعب. Ça, c'est déjà arrivé à tout le monde. في الدنيا حين tu fais des efforts pour avoir une chose, il a akhri. Quand tu arrives à avoir cette chose, ça peut être du ilm, ça peut être de l'argent, ça peut être muhim. Quand tu arrives à avoir cette chose, tafrah. Et ton cœur est encharih. Et tu es heureux et ça se voit sur le visage. Pourtant, c'est quelque chose de dunya. Ça peut durer quelque temps, ça peut être peut-être un mal à la base, il a akhri. فتأمل هذا الموقف. Après cette dunya, cette vie passée sur terre, ثم la tombe, ثم الموقف يوم القيامة, ثم les comptes, combien de souffrances, combien d'épreuves, le résultat, أنه يبخص كتاب باليمين. قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Il retournera après avoir pris son kitab باليمين vers sa famille مسرورا. Aïe, heureux, ça vient de surur. Aïe, farah. Qala, wa amma man outia kitabahu wa ra'a dhahrihi fa soufa yad'u thubura. Al-thubur, c'est le halak. Aïe, c'est yad'u ala nafsihi bil halak. Limaza liana c'est fini. Tous ceux qui prendront le kitab bil yamin, ils sauront qu'ils ont été sauvés, ils rentreront fil jannah. Et tous ceux qui prendront le kitab bil shimal, ayyadan billahi, ils sauront que c'est un très mauvais signe. Fa yad'una على أنفسهم بالثبور أي بالهلاك. يا ليتني كنت ترابا حتى بعضهم يدمندون d'être du de la poussière et d'être anéanti de plus exister. لا لهم ولا عليهم وهيهات. Ça c'est حال غير المكلفين من الحيوانات والجمادات. نعم مثلا les animaux ils seront réduits en poussière. مع هذا même certains parmi ces animaux ils auront des comptes كما جاء في الحديث. Hatta la bête qui a des cornes, elle aura des comptes. Pourquoi elle a agressé une autre bête qui n'avait pas des cornes, comme a déjà vu le hadith. Lakin après cela ils deviennent poussière. La lahum wa la alayhim. Amma l'insan la fali hadha al-kuffar, ils invoqueront contre eux-mêmes. Qala l'imam al-Qurtubi rahimahullah wa amma in kunta min ahli shakawa ayyadun billah فيسود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي الويل والثبور. فتأملوا هذا الموقف. Cet homme أو cette femme عيادا بالله يوم القيامة elle reçoit son kitab بالشمال de la main gauche. Où est-ce qu'elle va fuir cette personne? Est-ce qu'elle peut revenir demander pardon, se corriger? C'est fini. يوم الحساب. Allah subhanahu wa ta'ala il avait prévenu الجميع. Il a envoyé des messagers, il a fait descendre des livres. حَتَّ تَقُومَ الْحُجَّ عَلَى الْجَمِيعِ. Enfin, plus personne n'a d'excuses. Celui qui a pris son kitab, lui, شِمَالِهِ, il n'aura que les regrets. حَتَّ ce dua de demander d'être anéanti, de disparaître, là. يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ. Ils demanderont, حَتَّ quand ils seront fil nar, ils demanderont à Malik, خَازِنُ النَّارِ. Et l'ange qui surveillera l'enfer, ils lui demanderont, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les anéantir. Ils seront châtiés éternellement. Après les comptes et avoir pris Al-Kutub, la balance. Pourtant les comptes ils sont passés et chacun il a pris son livre. Et chacun voit avec ses yeux annahu il n'a pas subi d'injustice. Enfin chacun. Chaque œuvre, ou la personne elle-même, ou le kitab, il sera pesé. قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين. والعلماء أو بعض العلماء يذكرون أن الجمع هنا باعتبار الموزون وإلا ساميزان واحد على الصحيح أي لا بالانس. Elle sera placée يوم القيامة. قال عز وجل فلا تظلم نفس شيئا. Personne ne subira d'injustice. الخير il sera pesé présent et شر كذلك. قال وإن كان مثقال حبة من خردل. Et ça c'est pour montrer une chose qui est très très petite. كذلك elle sera prise en compte. حتى personne ne subit une injustice يوم القيامة. وكفى بنا حاسبين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui الحاكم العدل عز وجل. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: فتوزن أعمالهم وزنا في غاية العدالة والإنصاف. Ce verset il montre أن الوزن la pesée elle sera juste à 100%. لأن حتى مثقال حبة من خردل il traduit par un atome, ça sera pris en compte. قال رحمة الله عليه: فلا يظلم الله أحدا شيئا. قال تبارك وتعالى انتهى كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. لا récompense. Celui, ses œuvres, ses bonnes œuvres, elles ont pris le dessus sur les سيئات. C'était un mu'min, il suivait le Nabi صلى الله عليه وسلم, il voulait le خير. فهو في عيشة راضية. Il sera dans une vie et il sera satisfait. Et une vie paisible, pleine de bonheur. الجنة. قال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ça doit être ça notre objectif à tous. يوميا on doit penser à هذا الميزان. فالإتود كون في العقيدة الميزان أنه ميزان واحد على الصحيح c'est quoi qui va être pesé إلى آخر. C'est pas une دراسة نظرية فقط. C'est pas de la théorie. Là, c'est une aqida, conviction, et cette conviction elle doit nous pousser à faire amal chaque jour. Pousse-toi, essaye de te poser la question: est-ce que ce que j'ai fait, ça va alourdir la balance pour moi ou contre moi? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que c'est pour nous ou contre nous? Hada, c'est ça al-va'ida. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ce genre de verset fi al-mizan? Enfin, notre vie elle doit être basée sur ça, ça doit être ça nos priorités. Amma, le travail, passer du bon temps, il a akhiré. Ça, si c'est halal, et ça prend pas sur notre dîn, ça nous écarte pas de notre dîn. Enfin, c'est une ni'ma min ni'amillah, azza wa jalla. Amma, délaisser l'asl et profiter de dunya. Thumma ya'ti malak al-maut, an ghafla. L'insan, il meurt. Thumma, dans la tombe, les questions. Hatta ce jour, il sera fi khasar. Qala, azza wa jalla, wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Pour celui qui la balance, elle penchera pas en sa faveur. Elle est du côté des hasanat. Hal al kafara yadun billah. Narun hamia. Narun ay un feu hami très très chaud, brûlant yadun billah. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah azza wa jall sayakhlisu rajulan min ummati ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah. Un homme yawm al-qiyamah, ses œuvres elles seront pesées devant tout le monde. فَيُنْشَرْ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍ مُدَّ الْبَصَرِ. 99 registres مَلِيَا بِالْمَعَاصِ et des péchés énormes et nombreux. Ils seront placés sur un plateau de la balance. La balance elle a deux plateaux. كَفَتَا قَالَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرْ مِنْ هَذَا شَيْئًا أظلمتك كتبتي الحافظون. Est-ce que tu renies quelque chose de هذا? Et tu contredis, tu n'es pas d'accord? Ou est-ce que le malaïka, ils ont été injustes et ils ont inscrit une chose qui n'est pas vraie? فيقول لا يا رب. هذا العبد, c'est un mu'min, il est reconnaissant. Il dit là, tout ce qui a été placé sur la balance, c'est haq. 99 registres de ma'asi. هذا الإنسان il a fait beaucoup de dhunoub. فقال ألك عذر أو حسنة. Et Allah subhanahu wa ta'ala il lui dira: est-ce que tu as une excuse ou une حسنة? Ça montre أن les comptes ça sera basé sur la justice. 99 registres avec des péchés énormes et nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لا, est-ce que tu as une حسنة pour mettre de l'autre côté de la balance sur l'autre plateau? فيقول لا يا رب. أي il n'a pas d'excuse et il n'a pas de حسنة. فيقول عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك ورحمة من الله. الله il est juste. الإنسان lui-même il a oublié cette حسنة, cette bonne action qu'il avait fait, lui-même il l'a oublié. لكن الله سبحانه وتعالى il sait tout et il oublie jamais عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قال أن tu as une حسنة. فقال فتخرج له أو فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Une carte sur laquelle est inscrit الشهادة. شهادة التوحيد. التوحيد لله والرسالة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. Cet homme, il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, cette carte avec tous ces dhunoub, et qu'est-ce qu'elle va faire cette carte? Sahih, sur une balance, si tu mets مثلاً, plein de livres avec une carte, là, chaque que les livres, c'est plus lourd. Enfin, cet homme, il a fonctionné, hakada. Il s'est posé cette question. Qala azza wa jal, innaka la tudlam. Tu ne subiras pas d'injustice. Cette carte, elle sera posée sur l'autre plateau de la balance. Qala fatouza as-sijillat fi kiffa. Qala fatashat as-sijillat wa thakulat al-bitaqa. Wa la yathqul shay'un bismillahir rahmanir rahim. Quand la carte, elle sera posée sur l'autre plateau, tous les registres, ils seront éjectés, disparaîtront. Limadha? لأن لا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يا rien qui est plus lourd que le nom d'Allah Azza wa Jal. هذا الحديث c'est من الحديث في فضل التوحيد. On revient دائما أن ce qui sauvera هذا الإنسان c'est son توحيد. C'est la base. لا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى الشيء. C'est sur ça qu'on doit faire des efforts. من حقق التوحيد il est على خير. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller avec le dhunoub. لأن الإنسان هذا الإنسان qui a été cité sur le hadith. Son histoire, l'un, c'est après sa mort, il a akhiré. Maintenant, on ne sait pas, on va mourir sur quoi. Les péchés, chaque péché, il emmène un autre. Et Rabbama l'insan yahlak fi dunya. On fait attention. Lakin, donner du temps à cette base, l'essentiel, at-tawhid, c'est ça, din jami' al-rusul. Faites attention à du'at al-dhalal. Sur internet, l'un et autres, annahum, ils ont une da'wah. C'est que pour satisfaire les ennemis de l'islam. Ils prétendent appeler au bon comportement. Wallah, ils appellent à leur nefs et pour le mal. Et pour pas contredire et contrarier Foulain. C'est pour ça qu'ils traitent des sujets. Tout le monde est d'accord. Il faut être gentil, il faut être juste, il faut respecter son voisin. Tout le monde est d'accord. Même le kuffar, ils sont d'accord avec hada. Et ils délaissent hada l'asl al-azim. Wallah, il y en a celui, yawm al-qiyama, qui n'a pas ce tawhid, la yanfa'uhu amal. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ. Même s'il avait le comportement de ma'adri man. On fait attention aux priorités. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. الحديث اللي في المسند صححه الإمام الألباني. Avec le tawhid et avec la salat et avec toutes les ibadat, كذلك on donne de l'importance au bon comportement. لكن c'est pas la base. La base c'est le tawhid et le bon comportement c'est fondé sur le tawhid. فالمسلم المؤمن الموحد il néglige ni le tawhid, ni les bons comportements. Enfin, parmi les choses qui pèseront beaucoup dans la balance, et c'est ça notre objectif, nous. L'objectif, le haqiqa de notre vie, comme a dit Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On a été créé que pour l'adorer. La récompense de cette adoration, c'est Al-Jannah. Avant de rentrer Al-Jannah, les comptes. Comment alourdir cette balance? At-tawhid, bien sûr, c'est la chose qui sera la plus lourde. كذلك les bons comportements. Le bon comportement. مع القريب والبعيد. Et quand on dit le bon comportement, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas satisfaire un tel, ne pas froisser un tel, faire ce que les gens ils veulent. Là, parmi le bon comportement, maintenant, c'est de détester les ennemis de l'islam. Ça, c'est un bon comportement. C'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bons comportements, c'est d'aimer ton frère qui est à la sunna. Parmi le bon comportement, c'est de détester le bid'a et ahli le bid'a. Wa hakada. Lianna kathirun minan nas, ils prétendent appeler au bon comportement et wallah, ils appellent à leur nafsa, eux. Pas à la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa fi musnad al-imam Ahmed, aydan, an Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, annahu kana yajtabi siwakan, ou yajtani siwakan, من الآراك وكان دقيق الساقين رضي الله عنه فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه فضحك القوم منه ابن مسعود رضي الله عنه مرة il est monté sur un arbre pour prendre عود سواك السواك pour se nettoyer les dents. ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الحديث il était très fin, il avait des jambes très fines, et ce jour-là il y avait du vent. فظهرت Saqa, ses deux jambes, elles ont été vues par ceux qui étaient présents, enfin, ils ont ri. Il avait les jambes très fines, radiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mimma tadhakoun. Et pourquoi vous riez? فقالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, Yanna, il a les jambes très fines. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل من أحد في الميزان. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a juré, Yanna, يوم القيامة, ces deux jambes que vous voyez très fines, et ça vous a fait rire, يوم القيامة, elles seront plus lourdes que أحد. أحد, c'est une montagne في المدينة. Allah sait combien elle pèse cette montagne. Les deux jambes d'Ibn Mas'ud, elles seront plus lourdes. Ça nous montre un as qui va alourdir le mizan, c'est le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Ibn Mas'ud, il a fait beaucoup de sacrifices, il a fait le hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des efforts fi hifd al-Qur'an, fi tiba' al-sunnah, il déteste le bid'ah, et hakadha, il fait partie des grands élèves du prophète alayhi salatu wasalam. Min a'lam al-sahaba radiyallahu anhum bil Qur'an al-Karim. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في المقابل كافر من الكفار يوم القيامة. Il sera présenté et il sera énorme, grand, costaud, et il sera pesé sur cette balance. لا يوزن عند الله جناح بعوضة. Il n'aura pas l'équivalent, le poids de l'aile d'un moustique. فلهذا قال عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ils n'ont aucun poids عند الله. نستفيد ماذا de ces hadiths. L'essentiel, c'est pas l'apparence. On vit à une époque, l'un, بعض الناس, عياذا بالله, ils pensent qu'à leur apparence. Le sport, ليلا ونهارا, النساء, عياذا بالله, كثير منهن, elles pensent qu'aux coiffures et toutes ces choses inutiles, elles perdent leur temps vihada, même s'il y a une haja, si elles sont mariées la akhiré, ça ne doit pas prendre autant de temps, et ils oublient islah al-nufus, islah al-qulub. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il était très fin, mais il a fait beaucoup d'efforts fi ibadatillah. Fa yawm al-qiyama, ses jambes, elles sont plus lourdes que Uhud. Ce kafir, avec son physique imposant, rubbama, il faisait du sport, rubbama, il était impressionnant, il a akhiré, yawm al-qiyama, il vaut rien. Ça nous montre qu'on n'oublie pas les priorités. On doit travailler notre cœur. Aqidatun sahiha, ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faire des efforts fi al-a'mal, et bien sûr les choses mubah, le sport, il a akhiri, prendre soin de soi, tant que ça empiète pas, ça prend pas sur notre din, falhamdulillah, inna Allaha jamilun yuhibbu al-jamal. Hadha alladhi aradna, et cette étape al-hisab. Tout ça, on le répète, c'est pour nous améliorer jour après jour. Bi-idhnillahi azza wa jal. Enfin, on fait des efforts. Et parmi les choses qui aident à ne pas oublier ce jour, c'est tilawat al-Qur'an. Bi-tadabburin wa ta'aqulin. Pas lire automatiquement et on sait même plus ce qu'on lit là. Même si tu lis un peu moins, et tata'ammal, tu trouveras que même une surah, fil ghalib, ça parlera de yawm al-qiyama. Limadha? Liana, c'est un rendez-vous que tout le monde attend. Demain, si on nous dirait, Anna, dans une semaine, vous passez au tribunal, et si vous n'avez pas fait telle chose, délaissé telle chose, préparé telle chose, tu risques un t'as 10 ans, un t'as 15 ans, un t'as 20 ans, un t'as 30 ans. Tu verras que, wallahi, Rabbama, on ne dort plus. Pour préparer cette échéance, Bardemnes, Rabbama, ils vont payer, ils vont essayer de mentir, comme Akunna. Un tel un, tu as été informé, Anna, un jour arrivera, après ta mort, ça commencera. Tu auras des comptes à rendre. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour se préparer? قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. تأمل هذه الآية. كل إنسان, tout le monde est concerné. ألزمناه طائره في عنقه. Ses amal min khayr min shar, il aura des comptes à rendre. Wa nukhrij lahu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu manshura, un kitab avec tous ses amal comme taqaddam. Devant lui manshur, tous ses amal. Iqra kitabak, lis ton propre livre, tout seul. Les nafid dunya, vous avez remarqué que quand wahid se fait juger, en général personne n'est coupable. Daiman c'est la faute d'un tel, mais un tel il a menti, et yawm al-qiyamah ce bab il est fermé. Iqra kitabak, tout seul tu vas te juger. Iqra kitabak kafa bi nafsika al yawm hasiba. Wa fi al ayat al ukhra qala azza wa jal yawma yajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdhara. Ay ma min insan kullu nafsin qaf, ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min sou. Chacun de nous, yom kama, il verra les œuvres qu'il a fait de bien et les œuvres qu'il a fait de mal. Qala azza wa jal, tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Est-ce que هذه الأمنية ce désir, cette envie تتحقق أبدا أي هذا الإنسان il espère que entre lui et هذه الأعمال السيئة ça soit éloigné أي ça soit pas منسوب إليه أي il se désavoue de ces أعمال. قال عز وجل ويحذركم الله نفسه. Allah il conclut ce verset, يحذركم الله نفسه. Allah il vous a mis en garde contre son châtiment, contre lui-même عز وجل. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. مع هذا التحذير وهذه الشدة يوم القيامة الله لا informe dans ce verset أنه رؤوف بالعباد أي رحيم, لأن الله سبحانه وتعالى il châtiera personne إلا إذا قامت عليه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Ça, ça montre رحمة الله سبحانه وتعالى. Allah il a injuste envers personne. Celui qui ne savait pas, si son excuse elle est valable, amruhu ila Allah. Mais celui qui sait, qui a lu, qui a entendu, qui a été conseillé, فعليه الاجتهاد. Enfin, on doit faire الاجتهاد يا إخوان كثيرا, et on doit faire attention à cette dunya, à Shaytan, junud de Shaytan qui font tout pour les écarter de ce din. الكفار وأعداء الإسلام qui essaient de salir de ce din pour qu'on s'en écarte. لماذا لأنهم أعداء الله لا يؤمنون بالآخرة. كثير منهم ils pensent que s'ils meurent, خلاص c'est fini. أما نحن لا. On a la conviction que ces étapes on les vivra tous. Et المُوفق من وفقه الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أن يرحمنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.